Ben, mon Kaffrine, faut pas ou la gâter. A 100 000 ou les déter. Main en l'air. Poupoum la faut y frotter à terre. Ton shot faut n'appuie la couler. Elle la bloque à ou estier ou les baiser. Kaffrine m'a pas dit ya ou fait le serrier. Non, ou gagne pas bois donc vaut mieux border. Non, laisse pas où aller ou va regretter. La bloque ou l'a pas compris. La les molle. Ou cachez bouteille dessus le lit. Les vilains. Les fées immont ou la pouton cri. Méchant. Demain ou lève ou n'a la roulue. Ou la redé ou la gagné. Ou la redé ou la gagné. Allez d'or. Ou la redé ou la gagné. Oula. Ou la redé ou la gagné. Asper, Asim Sadan. Asim Sadan. Asper, Asim Sadan. Asim Sadan. Là c'est pas de train. Allez fais rouler mon Kaffrine, hein. Descends à tes faux touches carreau. Ou n'attends-toi dans le bateau. Là les il mérite que m'y paye McDo. T'es haut, là c'est pas le train. Ou prends de haut ben, pas moins. Ou papa la Roma qui run Miami SP. Ou support mon TNF sans pas deuxième main. La bloque ou l'a pas compris. La les molle. Ou cachez bouteille dessus le lit. Les vilains. Les fées immont ou la pouton cri. Méchant. Demain ou lève ou n'a la roulue. Ou la redé ou la gagné. Ou la redé ou la gagné. Allez d'or. Ou la redé ou la gagné. Oula. Ou la redé ou la gagné. Asper, Asim Sadan. Asim Sadan. Piquant. Asper, Asim Sadan. Asim Sadan. Là c'est pas de train. Tout le monde la poutre bout dans la salle. Kaffrine les ATR, oui les sales. Son cheveu les brossés comme mamie. Faut dire en son cas de Manisawa mamie. Hein, en l'huile, comme sardine. Téléphone éteint la déboîte la cabine. Pef, un coup, salé comme carabine. On finit comme un sac sur le dos, sous copine. La bloque ou l'a pas compris. La les molle. Ou cachez bouteille dessus le lit. Les vilains. Les fées immont ou la pouton cri. Méchant. Demain ou lève ou n'a la roulue. Ou la redé ou la gagné. Ou la redé ou la gagné. Allez d'or. Ou la redé ou la gagné. Oula. Ou la redé ou la gagné. Asper, Asim Sadan. Asim Sadan. Piquant. Asper, Asim Sadan. Asim Sadan. Là c'est pas de train. Là c'est pas de train.